Bonsoir, chers fidèles auditeurs de Radio Sanganiro. Bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 23 septembre que nous ouvrons par ces titres. Le retard dans la réception de certains documents, comme les documents de voyage, les extraits du casier judiciaire et le principal défi du guichet provincial unique de Gitega, le responsable de ce guichet, projette la responsabilité à la poste qui est chargée du transport de ces documents. Cette dernière refute sa part de responsabilité. La citrulline présente dans la fruit de pastèque joue un rôle important dans les relations conjugales. Les détails, c'est dans la chronique nutrition de ce dimanche. Et en actualité internationale, la ville de Beni en RDC est de nouveau endeuillée par une attaque de ce samedi qui aurait fait plus de 10 morts. Bienvenue dans ce journal dont la mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitevouzi. La radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page Bonne gouvernance. Le chef du guichet unique provincial de Gitega fait savoir que le problème majeur dont souffre ce guichet actuellement est le retard de réception des documents de voyage, des extraits du casier judiciaire et des permis de conduire en provenance de Bujumbura après confection. Il rejette la responsabilité à la poste qui a gagné le marché de transport des courriers du dit guichet. Toutefois, le directeur de production à la poste rejette cette accusation. Gérard Lévigal Ferdinand, chef du guichet unique provincial à Gitega, dit qu'un problème majeur dont souffre ce guichet actuellement émane du fait que souvent la poste tarde à lui faire parvenir ses courriers provenant de Bujumbura. La poste ayant gagné le marché de transport des courriers de ce guichet, ce retard se répercute sur les clients dont l'objet de demande des différents documents comme le laissez-passer, le passeport, le permis de conduire et l'extrait du casier judiciaire risque d'être dépassé. Toutefois, le directeur de la production à la poste, Tarsis Ravialimana, rejette cette accusation. Il précise que quand l'un ou l'autre courrier venant de la police judiciaire PJ, de la police désert et des frontières PAF et de la police spéciale de roulage PCR, mais aussi de la police judiciaire, arrive au guichet numéro 4 de la poste, il est vite acheminé au destinataire. Il souligne également que la poste dispose d'un charroi complet constitué d'un nombre suffisant de véhicules et de motocyclettes capables de distribuer des courriers en un laps de temps. Pour Tarsis Ravialimana, le guichet unique provincial à Gitega devrait chercher ailleurs l'origine du problème. Malgré tout ça, Nisigalo Ferdinand, chef de ce guichet, apprécie la manière dont la population fréquente le même guichet de plus en plus massivement. Depuis Gitega, Jean-Yves Gira pour la radio Changanire. Merci à Gérard Nibigida. Autour de 20% des habitants de la ville de Muyinga ne sont pas enregistrés par les services d'état civil. C'est la tranche des enfants jusqu'à 17 ans, dont bon nombre de récents rapatriés tels que confirmés par le contrôleur provincial des services d'état civil. En campagne de régularisation d'inscription des enfants, il invite les parents à ne pas rater cette chance pour l'intérêt des enfants et le pays qui doit planifier tenant compte des effectifs de sa population. Dieudonné Zeyman. Ils sont au nombre de 42 304 les enfants attendus en province Muyinga pour les inscriptions tardives par les services d'état civil. Ils représentent 20% de la population de cette province de plus de 860 000 habitants. La campagne d'inscription est en cours depuis des semaines. Nicolas Tichahaï, inspecteur provincial des services d'état civil, précise que les communes avec plus d'enfants non inscrits sont celles avec plus de rapatriés. À Guitéranyi, en des semaines, 3 092 enfants ont été enregistrés et en commune Muyinga, c'est plus de 2 500 enfants. Les enfants concernés ont 17 ans au plus. L'opération a déjà débuté dans 5 communes 6-7. Les agents d'état civil invitent les parents à saisir cette chance. L'inscription et l'extrait d'acte de naissance sont gratuits grâce à l'appui de l'agence onisienne pour l'enfance, UNICEF. De Muyinga, Dieudonné Zeymana pour la radio Isanganiro. Merci aussi à toi, Dieudonné. Poursuivant avec ce journal, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLICOM, demande la mise en place d'une commission des experts issus des ministères de la Santé et de l'Environnement avant de dégager les restes des marchandises du marché central de Bujumbura. C'est avant le démarrage des travaux de construction d'un centre commercial. Et selon Gabriel Lefsiri, président de l'Olucom, ces immondices risquent d'être toxiques. Suivez-le au micro. Il a été joint par Placide Niamongeri. En 2014, le gouvernement du Burundi avait lancé un avis d'appel d'offres, mais malheureusement, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de problèmes jusqu'à ce que même le marché soit donné au Burundi. Ce cachet derrière une société qu'on disait que c'était une société chinoise, alors que c'était des Burundais, pas n'importe lesquels, voire même des ambassadeurs. Nous remercions le président de la République parce que après avoir montré que le dossier était entaché de beaucoup d'irrégularités, il a directement annulé le marché. Pour le moment, nous souhaitons que ce problème qui s'est produit en 2014 ne se reproduise pas. C'est pour cette raison que l'Olucom va mener des enquêtes pour voir régulièrement que le dossier a été donné suivant les normes des marchés publics. Qu'il y ait de la transparence dans la construction de ce bâtiment important pour le pays. Nous voulons que, avant d'enlever les immondices qui se trouvent dans cette place, il faut une commission. Vous savez qu'il y a beaucoup de marchandises diversifiées, brillées. Pour nous, nous pensons qu'il y a beaucoup de produits toxiques. Avant de les enlever, ils font des experts en matière de l'environnement et de la santé pour qu'ils donnent des orientations claires pour que l'environnement et la santé de la population ne soient pas touchés. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 18h, passé de 8 minutes, poursuivant avec ce journal, les autorités provinciales de Bubanza mettent en garde les adeptes d'Eusebi qui recommencent à reconstituer des groupes de prières en commune Musigati. Terence Nobis Butoyi, gouverneur de cette province, indique que des réunions sont prévues dans cette commune afin d'interdire ce comportement. Sinon, ceux qui ne se conformeront pas à la loi seront traduits en justice. Spécie Caritas Cavagnana. Le gouverneur de la province de Bubanza précise qu'au moment du retour des adeptes des Ebi en provenance des pays voisins, l'administration leur a prodigué des conseils qu'ils doivent se conformer à la loi. Mais Terence Nobis Butoyi, gouverneur de Bubanza, regrette actuellement le fait qu'il recommence à constituer des groupes de prières non conformes à la loi. Nous observons avec amertume qu'ils commencent donc à se grouper autour de quelques maisons de prière. Alors, nous lançons un appel pressant d'abord à l'administration communale pour que celle-ci les rassemble et leur demande de suivre scrupuleusement la loi. Mais sinon, nous allons demander à la justice pour que ces dernières, elles aussi, prennent des sanctions irrelatives. Ces adeptes des abysses comptent autour de 350 personnes en commune Musigati et particulièrement sur la colline Massare, selon l'administration locale. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. De Bubanza, retour à Gitega où les préparatifs de la saison culturelle vont bon train dans cette province, étant donné que dans les 11 communes de cette province, les travaux de préparation des champs sont à 95%. Ceci est dit par Denis Nibigira, chef du service de production végétale à la DPAE Gitega. Il indique que cette année, le prix des grains de maïs a diminué car le gouvernement a payé 40% de son prix et que l'engrais chimique est déjà dans les mains des cultivateurs. Arthur Kavaouche. Selon le chef du service de production végétale à la DPAE Gitega, Denis Nibigira, les préparatifs de la saison culturelle avant bon train du moment qu'ils sont déjà au courant que la pluie va commencer à tomber dans la première décade du mois d'octobre. Le responsable dit que les travaux de labour sont à 95% dans toutes les 11 communes de la province de Gitega et que l'engrais chimique est déjà dans les 32 zones de la province de Gitega. Cependant, il faut savoir que dans l'optique de lutter contre la fraude, chaque cultivateur va acheter cet engrais chimique dans sa zone. Denis Nibigira indique que cette année, sur les grains de maïs, l'État a déjà payé 40% et les cultivateurs vont payer 60%. C'est-à-dire que le maïs hybride va coûter 1200 francs bout au lieu de 1500 francs le kilo et le maïs composite va coûter 3600 francs au lieu de 5000 francs le kilo. Quant au fertilisant dit DAP, le sac de 25 kg coûtera 30 000 francs bout au lieu de 28 000 francs. Celui dit Iré coûtera 26 000 francs au lieu de 25 500. L'autre dit KCRE 127 000 francs bou, tout comme le NPK. La population de la province Gitega se dit satisfaite car elle est déjà en possession de tout le nécessaire et elle a déjà terminé le labour. Maintenant, les cultivateurs n'attendent que la pluie tombe pour commencer à planter. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci à Arthur Kavabushi. En actualité internationale, alors que les recherches dans le lac Victoria se poursuivent, la Tanzanie a commencé à enterrer ses morts. L'enquête, elle, devra faire le tri dans les témoignages pour déterminer la cause exacte du naufrage. Le travail de recherche de corps devrait se poursuivre dans le même temps. Ce samedi soir, les plongeurs s'affairaient autour de la coque qui affleurait à quelques dizaines de mètres à peine de l'île d'Ukara, la destination finale du ferry, sous le regard de certains habitants, comme l'indique RFI sur son site web. Et le très lourd bilan de 218 morts dépasse largement la capacité théorique du MV Nyerere, qui n'était que de 101 passagers, sans même compter les 41 rescapés. L'enquête devra déterminer le nombre exact de personnes à bord du bateau au moment du drame qui reste flou à ce stade. Et en RDC, la ville de Beni est endeuillée par une nouvelle attaque. 14 civils et 5 militaires seraient morts ce samedi dans cette ville, selon un des comptes de la société civile. Selon RFI, le maire de Beni lui parle de 12 civils tués suite à ces violences qui ont commencé après un assaut de présumés rebelles des forces démocratiques alliées ADF contre le camp militaire de Kasanga avant de s'étendre en direction du centre-ville. Tout aurait débuté en fin d'après-midi vers 17h30 quand les habitants de Beni ont entendu les crépitements d'armes lourdes et des tirs à partir des périphéries de cette ville. Les violences se sont ensuite étendues presque au centre de la ville, faisant de nombreuses victimes. Les assaillants y ont commencé à tirer sur la population et sur les citoyens tentant de fuir. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Dans cette deuxième partie sur les composantes de la pastèque, Maître Alexis Alimèche, directeur du Centre pour la recherche et la médecine à base d'aliments, dit que les fibres végétales contenues dans ce fruit interviennent dans la prévention et la lutte contre les hémorroïdes. Cet expert en nutrition explique aussi que la citrulline présente dans la pastèque joue un rôle important dans les relations conjugales. Les détails avec Gertrude Maunaï. Dans la première partie sur la composition de la pastèque, Maître Alexis Harimenshi, directeur de Nutrition and Food Technology for Health, nous a parlé de certaines des composantes de la pastèque. Dans cette deuxième partie, cet expert dit que les substances appelées fibres végétales contenues dans la pastèque aident l'organisme à lutter contre pas mal de maladies. La vitamine C stimule la destruction des radicaux libres, prévient contre différents types de cancers, a des effets lipolipémiants, c'est-à-dire qu'il réduit le taux de cholestérol dans le sang chez les personnes qui s'alimentent de la viande, du lait, de ses dérivés, des œufs. Et bien d'autres produits alimentaires riches en cholestérol, LDL ou mauvais cholestérol. La vitamine C augmente aussi la longévité. La pastèque également est composée de substances appelées citrullines, lesquelles substances sont très bénéfiques pour les hommes, aussi bien pour les femmes, en ce qui concerne les relations conjugales. La pastèque a des effets lubrifiants, c'est-à-dire de stimuler les glandes de Bartholin qui se trouvent juste à l'entrée du vagin du sexe féminin. C'est vrai que la pastèque est riche en une substance connue sous le nom de citrulline. Les recherches scientifiques prouvent que 60% de la citrulline se trouve dans la peau de la pastèque, c'est-à-dire dans la chair entre la peau externe et la partie rouge consommable. Lorsque la citrulline se trouve dans notre corps, il stimule la production d'une enzyme connue sous le nom d'arginase par le foie. L'arginine est une protéine ou acide aminé non essentiel qui est produit par les reins et par le foie en vue de produire une autre substance connue sous le nom d'oxyde nitrique ou monoxyde d'azote. Or, la science prouve que le monoxyde d'azote a des effets de stimuler la vasodilatation, c'est-à-dire que nos artères se trouvent élargies pour permettre la libre circulation du sang, en vue de prévenir contre l'ischémie circulatoire, les troubles de circulation du sang, stimuler l'érection pénienne, stabilise la tension artérielle pour les hypertendus, prévient contre le dommage des muscles du cœur ou les myocardes, c'est-à-dire qu'elle prévient une maladie connue sous le nom d'infarctus du myocarde, le dommage des muscles cardiaques. Ces substances appelées citrulline aident également dans la prévention et la lutte contre l'hypertension artérielle et les maladies de la foie. Dans la chronique nutrition prochaine, le même expert nous parlera de la façon dont la pastèque est préparée et consommée. Merci aussi à Gertrude Mawinayo et c'est par cette chronique et nutrition que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous qui nous ont prêté oreille attentive. Merci aussi à Aimé Toussaint Mitewuti pour sa parfaite collaboration technique. Bonne soirée à tous.